Edgar Allan Poe, Le Corbeau. C'était par un minuit sinistre, mon front pensif au teint de bistre se penchait sur un noir registre, témoin d'un savoir recouvert d'oubli, de poussière et de soufre, et sondant ce volume ouvert, vertigineux ainsi qu'un gouffre, la tête lourde, je glissais, et l'œil mi-clos m'assoupissait. Quand soudain frémit, je ne sais quel bruissement de mystère, quel étrange tapotement, comme un doigt frappant sourdement, frappant la porte solitaire de ma chambre d'étude austère. Un visiteur, dis-je tout bas, ayant ici porté ses pas, frappe à la porte solitaire de ma chambre d'étude austère, de la chambre où je suis reclus. C'est cela seul, et rien de plus. Nettement, je me remémore ce décembre au ciel incolore, les braises qui brûlaient encore, mouraient, et je les croyais voir, frissonnantes et désunies, imprimer sur le plancher noir le spectre de leurs agonies. Fébrile, j'attendais qu'enfin naquît l'aurore au frais parfum, tous mes livres ouverts en vain, et que l'ennui revenait clore, ne m'avaient su fournir le frein ni le sursis à mon chagrin. Chagrin pour l'heureuse Lénore, Lénore aux doux yeux dont l'aurore jalousait l'étrange couleur, Lénore perdue. Ô douleur, ô jeune fille aux yeux d'aurore, que les anges nomment Lénore, mais qu'ici-bas, lieu dissolu, l'on ne nommera jamais plus. Le froissement soyeux des ombres qui se multipliaient sans nombre sur les rideaux pourprés et sombres soufflait en mon âme un frisson de terreur fantastique et sourde, et je vibrais à l'unisson des ondes sur l'étoffe lourde. Ainsi, tressaillant, palpitant, pour apaiser mon cœur battant, je restais figé, répétant : non, cela n'a rien d'un mystère. Ce n'est qu'un visiteur hagard qui, passant ici par hasard, frappe à la porte solitaire de ma chambre d'étude austère. Rien qu'un visiteur attardé qui s'est dans la nuit hasardé jusqu'à la porte solitaire de ma chambre d'étude austère, de la chambre où je suis reclus. C'est cela même et rien de plus. Et l'âme plus ferme et plus forte, sans plus hésiter de la sorte, je marchai jusque à la porte. « Monsieur, dis-je, ou madame, ayez, je vous en conjure, indulgence envers mes retards effrayés et mon inconvenant silence. Mais le fait est que je glissais dans le songe et m'assoupissais l'œil mi-clos, et je nouissais plus un bruit sur terre. Votre doigt si discrètement, d'un si faible tapotement, frappa ma porte solitaire, troubla mon rêve au noir mystère, qu'à peine je vous entendis. L'or, grinçant sur ses gonds roidis, j'ouvris ma porte solitaire, j'ouvris ma porte, et, noir mystère, je ne vis rien, je ne vis plus que ténèbres, et rien de plus. Longtemps, je scrutais ces ténèbres, saisi de vertiges funèbres, doutant des cieux et des algèbres, l'esprit mouvant d'un libre essor, rêvant des rêves qu'aucun homme n'avait osé rêver encore, angoisse qu'aucun mot ne nomme. Le silence continuait, je demeurais ivre et muet, pas un souffle ne remuait, puis un mot encore, fut dit. Et ce mot proféré fut un mot tout bas murmuré, mais il n'en fut pas moins sonore. Ce murmure, ce mot, Lénore, c'était moi qui le murmurais, et l'écho chuchotait après comme un pâle reflet sonore le mot qui me blessait, Lénore. Ce n'était là que le reflux de ma voix seule et rien de plus. Je rentrai dans ma chambre close, l'esprit consumé de névrose. Soudain, j'entendis quelque chose frapper à mon volet fermé, frapper plus fort que tout à l'heure, et mon cœur battait, alarmé. Allons, me dis-je, c'est un leurre, mon cœur trop vite s'affolait. C'est quelque chose à mon volet qui s'est heurté, qui s'envolait sous l'effet du vent indocile. Allons éclairer pleinement ce mystère dont vainement s'inquiète mon cœur fragile, qui dans l'incertitude oscille. Allons éclaircir tout à fait la cause qu'obscurcit l'effet, et rassurer mon cœur fragile qui dans l'incertitude oscille, ému de troubles superflus, car c'est le vent et rien de plus. J'ouvris les volets d'un coup brusque, et tel un fauve qu'on débusque, resté dans l'obscurité jusqu'alors, un fabuleux corbeau, digne des siècles de légende, entra, majestueux et beau. Ailes ouvertes toutes grandes. Il se posa, calme, hardi, et le port superbe et raidi, tel qu'un lord ou qu'une lady. Cet oiseau drapé de mystère, perché comme sur un gibet, impassiblement surplombé la porte close et solitaire de ma chambre d'étude austère. Là, sur un buste de Pallas, déesse des sages d'Hélas, il s'était perché, solitaire. Dans ma chambre d'étude austère, il s'était perché, noir intrus, assis, tranquille, et rien de plus. J'observais cet oiseau d'ébène qui s'installait, entré sans gêne, comme une rafale soudaine. Sa présence étrange amusait ma triste fantaisie en fièvre. Et sa grave allure induisait à sourire ma morne lèvre. Ce visiteur tragique et fier semblait un héros de l'enfer. Je lui dis « Bienvenue, mon cher, toi qui vins troubler mon veuvage en voletant sous mon perron, au moins n'es-tu pas un poltron, corbeau ?» Sinistre est le sauvage, noché du nocturne rivage, parle, comment te nomme-t-on ? Ô toi que baptisa plus dis-moi ton nom, rêveur sauvage, oiseau de l'infernal rivage qui du Styx voit mourir le flux. Et le corbeau dit « Jamais plus. » Quelle ne fut pas ma surprise ! L'oiseau parlait avec maîtrise comme on parle une langue apprise. Mais quoiqu'il imitât fort bien les accents de la voix humaine, ces mots ne signifiaient rien et cette réponse était vaine. Car, nous en conviendrons sans mal, même au collier d'un animal, un tel nom est trop anormal. Jamais le flâneur solitaire, le vagabond ni le marcheur, jamais le sévère chercheur, le savant au labeur austère, jamais homme vivant sur terre, ne vit oiseau qui répondit à ce nom maudit. La science au labeur austère, classant tout animal sur terre, forma bien des noms farfelus, mais jamais ce nom. Jamais plus. Le corbeau se taisait, auguste, et toujours perché sur le buste de la déesse vierge et juste. Plus un mot, plus un bruit, plus rien. L'oiseau, muet opiniâtre, confrontait son silence au mien, noir vivant sur la blanche albâtre. Il n'avait dit qu'un mot, un seul, mais on eût dit comme un linceul, comme une parole d'aïeul, que ce mot renfermait son être, que toute son âme était là. Une larme à mon œil perla. J'ai vu tant d'amis disparaître, et lui qui vint par ma fenêtre, lui comme eux, dès demain matin, s'enfuira par le ciel lointain, ainsi que j'ai vu disparaître, comme envolé par la fenêtre, tant d'espoirs vains et révolus. Alors l'oiseau dit « Jamais plus. » Je tressaillis. Cette réplique du corbeau fantasmagorique, rompant le silence électrique, me gifla comme un coup de fouet. « Sans doute, dis-je au volatile, ce mot est l'unique jouet de ta vocalise inutile. Oui, c'est là tout ce que ton bec retint d'un vieux maître à l'œil sec, que main des astres et maint échec, et les cortèges d'infortune, ont suivi longtemps, si longtemps, qu'enfin tous les mots égrottants dans sa voix ne formaient plus qu'une syllabe, un seul cri de rancune, qu'enfin tous les de profundis, que son espoir chantait jadis, s'amenuisait à n'être qu'une rengaine d'absurde rancune. » qu'enfin son cœur n'entonnait plus qu'un refrain, jamais, jamais plus. Et le corbeau, cimier fantasque, qui de palace ornait le casque, énigmatique ainsi qu'un masque, était redevenu muet. Ma triste fantaisie en fièvre, obstinément insinuait un sourire au coin de ma lèvre. Lors, poussant un large fauteuil, je m'installai devant le seuil, devant le buste, devant l'œil de mon visiteur solitaire. Je m'efforçai de raisonner, spéculer, déduire, enchaîner, soumettre l'étrange aux critères, élucider tout le mystère. Que voulait dire l'augural oiseau, le maigre et sépulcral corbeau? Quelle clé, quel critère saurait décrypter le mystère qu'enfermaient ces deux mots conclus, ces mots croassés? Jamais plus. Je creusai dans la solitude de ma chambre austère d'étude, conjecturant sans certitude, incapable d'apercevoir la clarté, le mot de l'énigme. Je n'adressais à l'oiseau noir plus un son, plus un borborygme, mais ses yeux au regard malsain me perçaient de traits assassins. Je m'enfonçai dans les coussins, et ma tête, au front déjà chauve, plongeait avec ses pensées lourdes dans un océan de velours qu'une basse lampe d'alcôve faisait reluire en vagues mauves. Je songeais toujours, l'œil ardent, au creux du fauteuil regardant, sous la douce lampe d'alcôve, reluire ainsi le velours mauve que ses longs cheveux disparus ne frôleront, ah, jamais plus. L'air s'épaississait insalubre au fond de ma chambre lugubre, et tel qu'un démenté lugubre, je m'écriais lors. Ô parfum, jaillis des encensoirs célestes que balancent les séraphins, anges aux pas discrets et lestes. Oui, je sens leurs pieds effleurant le tapis, ils passent fleurant le népenthèse, tiède, écœurant, si doux pourtant presque inodore, remède aux douloureux dépit. Dieu m'envoie enfin le répit. Vienne le temps, naisse l'aurore, où je l'oublierai, Malénor, perdu au royaume d'Hadès. Bois, mon cœur, bois ce népenthès, oublie, oublie, ô Malénor, qu'enfin tes yeux d'aurore, de mes souvenirs soient exclus. Et le corbeau dit, jamais plus. Prophète, dis-je, ô créature de l'enfer ou de la nature, mes prophètes, oui, je t'en conjure, quel que soit le souffle porteur qui jusqu'ici poussa ton aile, envoyé par le tentateur, guidé par la main éternelle, ou par la tempête apportée en ce lieu morne et déserté, ce cachot par l'horreur hantée, qui que tu sois, sinistre augure, je t'en conjure en vérité, dis-moi, de ton bec irrité, ô toi qui fouilles ma blessure, dis-moi, corbeau, je t'en conjure, s'il existe en ces lieux maudits un baume de Judée. Oh, dis s'il est un baume à ma blessure. Corbeau, dis-moi, je t'en conjure, si les gouffres sont absolus. Dis. Le corbeau dit, jamais plus. Prophète, dis-je, ô créature de l'enfer ou de la nature, mes prophètes, oui, je t'en conjure par le ciel au-dessus de nous, je t'en conjure et je t'implore, corbeau, je t'implore à genoux, par le Dieu vivant que j'adore, si tu l'adores, dis-moi, dis à mon âme, à mon cœur maudit, dis-moi s'il est un paradis où je pourrais l'étreindre encore, celle-là perdue à jamais, celle-là seule que j'aimais, la sainte, la pure Lénore. Dis-moi si les cieux, si l'aurore, les jours, les nuits me répondront. Ah, dis-moi, s'ils me la rendront, la jeune fille aux yeux d'aurore que les anges nomment Lénore. En quel éden, par quel salut, dis. Le corbeau dit, jamais plus. Je hurlai de rage soudaine. Que cette parole inhumaine soit ta dernière, oiseau de haine. Retourne aux nuits qu'aucun fanal, qu'aucun astre jamais n'allume. Retourne au rivage infernal et ne laisse pas une plume. Pas un seul signe qu'en ces lieux tu passas, messager des dieux, porteur du mensonge odieux. Pars donc si tu ne peux te taire, car tu mens, et tes mots affreux dévorent mon esprit fiévreux. Laisse-moi songer, solitaire, dans ma chambre d'étude austère. Ô corbeau, cruel disséqueur, retire ton bec de mon cœur, fuis de ma chambre solitaire, laisse-moi dans l'étude austère, laisse-moi seul, seul et reclus. Pars. Le corbeau dit, jamais plus. Et le corbeau, depuis cette heure, demeure assis, toujours demeure, assis en ma morne demeure. Perché, noir, au-dessus du seuil, sur le buste empreint de sagesse, il veille lugubre. Et son œil, surplombant l'œil de la déesse, semble être celui d'un démon qui rêve. J'entends son poumon souffler un ténébreux sermon. Nevermore. Ô vision sombre, la lampe au-dessus du corbeau, sur le sol froid comme un tombeau, projette un large cercle d'ombre que maint livre d'étude encombre. C'est à mes pieds comme un ravin que je sonde en vain, et qu'en vain ma science impuissante encombre. Là, prisonnier du cercle d'ombre, mon esprit gisant et perclus ne s'élèvera jamais plus.